Wapi ayo l'avenir, Emina, wapi ayo dignité. bamba na milanga na ndama mbale. Oh baby, si la vie nous bamba, la vie la la la la mamma, eh.